Bonjour, samedi 28 janvier. Bon, ça marche-tu là? Oui, non, oui. Bon, voyons, t'as des problèmes. Ah non, pas le feu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'étais caché. T'étais caché. Ben, n'en viens pas ici. Bon. Bon matin, comme ça, il y a du son. Oui, bonjour. Bon, il y a du son. Excellent. Il y a un paquet de choses ces temps-ci, mais je suis pas allé voir. J'ai pas eu le temps. Donc, bon. C'est pas bien grave. Et l'oiseau de mon cœur, c'est quoi donc? Le renouvellement de ses voeux de. Je sais plus trop, là. Oui, le chat. Bon, ben, bon matin, tout le monde. Je vois un petit peu moins bien, je peux pas me pencher. Donc, bon, ben, je vois quand même un peu, là. Oui, le chat. Je l'avais pas vu, il était caché. Là, il vient de sortir. Bonjour, Virginie. Donc. Il y a un paquet de choses ces temps-ci, puis j'ai pas eu le temps d'aller voir. Donc, bon. Je suis pas au courant là s'il y a eu des réactions. C'était quoi donc hier que j'ai vu? L'oiseau moqueur, le renouvellement de ses voeux d'insoumission. C'était pas pire. Va falloir se souvenir, hein? Les 3 ans qu'on a passés. Bonjour Martin. Jacinthe. C'est très important. C'est très important de s'en souvenir. Puis, bon, pourquoi? Parce qu'il y a une masse de monde qui s'est déjà oublié. C'est déjà oublié, puis ça prépare la suite. Donc, bon. À part ça, est-ce qu'il y avait des choses comme à oublier? Ben, il y en a qui s'étaient déjà oubliés. C'est déjà oublié hier par inadvertance, comme ça, là, j'écoutais, il y a une émission là, que Stéphane Bureau. Qu'après s'être fait taper sur les doigts, là, c'est rendu une vraie putain, tant qu'à moi, là. Puis, il fait des panels, là, avec Sophie Durocher, Richard Martineau, là. Puis, bon, j'ai écouté un petit peu cette émission-là, puis il a reçu Pierre Fitzgibbon, puis, bon. Non, non, c'est une honte, c'est une honte. Mais il faut que des gens, il faut qu'une majorité de gens aient oublié pour qu'une émission comme ça existe. Puis Monsieur Bureau le premier, Monsieur Bureau le premier. Puis bon, c'est là qu'on voit, ça tient à pas grand-chose, hein? Ça tient à pas grand-chose. Puis bon, il y en a, vous menacez un petit peu leur niveau de vie là, puis ils vont se retourner complètement, ils retournent complètement leur veste. Bon, Pierre Fitzgibbon hier, il l'avait devant lui là. Puis il y en a, ils vont l'avoir trouvé incisif. Ils vont leur non, un bureau, il a servi la soupe à Fitzgibbon. Moi, c'est ça que j'ai vu. Donc, CERN, HRUS, deux vidéos, peut-être ça va vous intéresser. Association humaniste du Québec. Drette là, le terme humaniste, là, non. Non, non, non, je veux rien savoir. non, non, non, non, non. De toute façon, les associations, là, toutes les associations, là. Désolé, là. Mais juste le terme, là, humaniste, là, il y a un problème. C'est quoi l'humanisme? C'est de quoi l'humanisme qu'on parle? Il n'y en a rien qu'un, hein? Donc, bon. Bureau aime plus les projecteurs que les roturiers qui se font fourrer de par leur manque de discernement. Ouais, ben dans le fond, c'est du mépris. Moi, je vois ça comme du mépris. Il faut se mépriser soi-même. Je ne parle pas qu'il méprise le monde, là, mais bon. Votre chat, il est vraiment très câlin. Oui, il est vraiment fatigué. Si je pouvais trouver quelqu'un là, qui le veut, hein, ça serait bon. Ça serait une affaire de moins. Mais bon. Moi, ah oui, ils me lâchent pas. Les animaux, en général, ils m'aiment. Ils m'aiment, puis c'est tannant. Parce que ça ne tentait pas là, de l'avoir sur moi. Donc, moi, non, il faut pas oublier ça. C'est comme l'oiseau manqueur dans son renouvellement de ses vœux de bonjour Clémentine. Son renouvellement de ses vœux d'insoumission, il passe le Rachid Badouri, là. J'espère sincèrement que sa carrière est finie, lui que le monde a assez de mémoire pour que ça soit fini. Ah non, faut pas donner votre chat. Ben, moi, j'en veux pas de chat. J'en veux pas. C'est une affaire de plus, là, à penser, puis ça me tente pas de penser. J'aime pas ça. Bonjour et à tous pour une première fois en direct. Ah ben, bonjour, France. Je pensais pas faire un direct aujourd'hui, mais bon. Je me suis dit aussi bien en faire un, là. Bureau, choisis le camp qui va gagner dans un horizon utile pour lui. Ouais, peut-être à court terme. Peut-être à court terme, mais à long terme, il va perdre. Il va perdre, puis ils vont tous perdre, là. À long terme. Mais là, c'est ça le problème, c'est que ça va prendre combien de temps? Ça va peut-être prendre des générations. Ça va peut-être prendre des générations, puis le mal est fait. Le mal est fait. Prenez, qui c'est que je voyais hier aussi? Bernard Drainville. Bernard Drainville, qui est vraiment un insignifiant, qui nous a fait perdre comme l'affaire les accommodements raisonnables dans le temps de Pauline, puis qui nous a fait perdre notre temps, qui nous a. Puis lui, il est rendu à la tête de l'éducation, puis j'écoutais ses solutions pour l'éducation, puis c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est lui qui veut toi. Il aime ton énergie. Ben oui, il le sait. Parce que, prenez, là, ils veulent rajouter deux adultes par classe. Ils n'ont même pas le personnel suffisant pour faire l'entretien des écoles. C'est la même chose que dans les grands centres, il y a une pénurie de logements, puis ils veulent faire rentrer plus d'immigrants. Ça, c'est tout le temps des choses qui n'ont aucune logique, qui ne se tiennent pas. C'est-à-dire, bon, ils obéissent à un agenda idéologique, mais ce n'est pas en accord avec le réel, ce n'est pas en accord avec la réalité. Ça peut juste faire, ça peut juste engendrer plus de problèmes. Comme là, hier, à l'émission à bureau, le grand débat, c'était sur les vestiaires mixtes. C'est complètement à côté de la plaque, c'est n'importe quoi. Il parle juste d'inclusivité. Il parle juste d'affaires que finalement, c'est dans le virtuel des concepts puis d'idéologie, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça ne sera pas applicable. C'est rire du monde. C'est le jour de la marmotte. Puis capable, ben. Ah, bonjour à tous. Bonjour, Hélène. Donc, ces gens-là sont réellement pas dans la réalité. Prenez Fitzgibbon, ils l'ont questionné hier pour le départ de la dame là, dont j'ai oublié le nom. Moi, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. Lui, il veut ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que les Québécois vivent en dessous de leurs moyens et qu'ils se privent le plus possible. C'est ça le but. Comme quand il dit, nous autres, on ne veut pas bâtir dans le fond d'autres barrages parce qu'on nous prépare, dans le fond, il faut qu'on se prive. Faut que les Québécois se privent puis qu'ils vivent. Ils veulent nous tiers-mondiser. C'est ça le but. Vous vous souvenez, là, Lucien Bouchard, puis son austérité, puis l'austérité, puis l'austérité. Ben là, finalement, Fitzgibbon, ça revient à ça, là. Le but, c'est de nous priver. Puis moi, je ne pourrais pas être surpris que la dame qui a quitté Hydro-Québec, dans le fond, c'est parce que cet hiver, en plein hiver, pendant le temps des fêtes, elle a reçu une directive. Elle a reçu une directive, puis elle ne l'a pas appliquée, puis elle a refusé de la suivre, puis c'est pour ça qu'elle est partie. Puis elle ne voulait pas suivre leur plan de privation. Puis c'est pour ça qu'elle est partie. Parce que ce n'est pas ça le mandat d'Hydro-Québec. Ce n'est pas de nous conditionner à nous priver de plus en plus. Donc, là, à un moment donné, là, Pierre Fitzgibbon, lui, c'est juste ça. Ça va être de nous conditionner à nous priver, nous priver, nous priver. Pourquoi? Parce que c'est ça le plan. On le voit par l'Europe que c'est ça le plan. Quand, là, dans le temps, là, qu'il y avait eu, là, vers 2012, là, à un moment donné, là, ça avait, il y avait une petite fuite, là. Le discours au Grand Orient de France, c'était le vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est ça qui allait être imposé pour la décennie comme discours, pas comme réalité appliquée. Puis finalement, après, ça a passé aussi par les loges au Québec, le vivre ensemble, le vivre ensemble. Puis après, on a eu droit à 10 ans de juste ça dans les médias. Juste ça dans les médias. Donc, ça vient de, dans tant qu'à moi, toutes ces affaires-là, ça passe entre autres. On a juste à regarder l'Allemagne, la France. On va le voir ce qu'il veut, Fitzgibbon. Donc, bon, même chose en Europe. Ben oui, on nous habitue à la privation. Selon moi, ce sont des sectes qui ne demandent qu'il y a des sacrifices. Ben, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. J'ai la même information. C'est leur plan. Ils font déjà de la publicité pour nous préparer mentalement, le peuple qui ne voit pas le jeu. Avez-vous vu l'annonce? Il y a une publicité qui passe au Québec. C'est une jeune fille qui parle de son nouveau chum, parce que ça n'existe plus des jeunes mariés hein, dans notre civilisation. C'est tout du concubinage, puis bon. Hein? Puis là, elle dit, oh, il se lave les mains au centre d'achat, il a même mis un masque. Puis là, les autres personnages disent, oh, j'y donne la maison. Puis ça finit par une femme enceinte qui dit, j'y donne mon bébé. Cette publicité-là, c'est une honte. C'est une honte, c'est vraiment une honte. Puis ça, c'est n'importe quoi. Il y a de l'induction là-dedans. Puis sous le couvert de l'humour, on nous passe des choses, c'est abominable. C'est abominable. Je donne mon bébé. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Ça n'a aucun sens. Cette publicité nous montre que le peuple est complètement fêlé. Ben, les gens qui nous gouvernent nous conditionnent à être complètement fêlés. Moi, c'est ça que je vois. Bonjour, Jean. Puis. Ça, c'est vraiment une honte. Faudrait faire. Si on était le moindrement intelligent collectivement, ça n'aurait pas duré une semaine, cette publicité-là. Ça aurait été retiré immédiatement à cause des réactions. Mais ça, là, non, non, là, oh, j'y donne la maison. Puis là, après, j'y donne mon bébé. J'ai passé. Hey, le gars, il se lave les mains, puis il se met un masque au centre commercial. J'y donne mon bébé. C'est vraiment là, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Puis, pas moyen de savoir les budgets qu'ils mettent là-dedans. Là, ils sont là à annoncer des milliards dans ci, des milliards dans ça. Le système de santé est par terre. Le système de santé est par terre. Puis là, ils annoncent de l'argent, vont oh, protéger le français, puis tout. Ça va donner quoi de parler français si on n'est pas capable de se faire soigner, qu'on crève sur des civières? Puis, voyons, comment faut commencer par la base, ça va être dans la réalité, par la logique. Mais non, c'est encore c'est des diversions. C'est une façon, c'est détourner l'énergie. Toujours. C'est le seul but, là. Donc, même sur l'autoroute, ils mettent la pub pour le pic-pic à la place de nous donner des infos liées à la route, la météo. Ben oui, dans le fond. Ben, pourquoi? Je veux dire, s'il y a un accident puis il y a des sorties de route, ça va sauver la planète, le monde, ils vont mourir. C'est un peu de même qu'ils pensent. Je veux dire, c'est rendu n'importe quoi. Hey, je viens de voir un mot. Dans la pub, des gens mécaniques avec un humour décérébré, ils ont les yeux morts. C'est comme un film d'horreur. Cthulhu me paraît plus humain. Moi. Ben, je veux dire, c'est sympathique. Cthulhu à comparer de ça. Ça serait presque un règne plus plaisant. Dans le fond, je veux dire, ça revient au même. Ça revient au même. Puis c'est il y a quelque chose de métaphorique hein, là-dedans. Mais parce que souvent, ce qui n'est pas parlé, c'est que Lovecraft, son grand-père Phillips, il était au courant de certaines affaires. Bon. Bon, il y a des métaphores, des fois, on peut faire des parallèles, là, même si c'est de la fiction, là. Mais les concepts des grands anciens, ça ne vient pas de Lovecraft. Ça vient d'Angleterre, ça vient des groupes anglais. Puis bon, je ne veux pas tomber là-dedans, là. Mais il reste que, oui, c'est carrément morbide. Ils ont l'air de des adorateurs dans un culte décérébré, là, avec des gens tarés, des gens, bon. C'est quoi, là? Je veux dire, je vais finir par y croire que les Québécois, comme Danny Laferrière disait, qu'on est des consanguins, complètement stupides, je vais finir par le croire. Mais vous remarquerez dans ces publicités-là, le casting est inclusif. Donc, c'est pour se poser. Hein? La fiction, ça devient la réalité. La réalité est pire que la fiction. C'est pire que la fiction. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues dernièrement que si ça avait été mis dans de la fiction il y a 10 ans, les gens auraient trouvé ça irréaliste. J'aurais dit, ben voyons. Ben voyons. Bonjour à vous. L'épisode de la quatrième dimension des années 60, le Rod Sterling de Obsolete Man. Moi, j'ai jamais trop suivi assidûment cette série-là. Mais moi, des fois, ça peut être. J'ai été étonné de vous voir briller hier au chat de Fergus. Oui, j'ai pas pu rester longtemps. Mais oui, je suis allé pas longtemps. Puis finalement, là, il y a des gens qui sont arrivés. Puis bon, j'ai remis mes écouteurs là, puis je le voyais qui continuait, mais je pouvais pas écouter. Mais bon. Maintenant, il s'en vient du pire, hein? Du pire. Juste mettre Bernard Drainville à l'éducation, là. Cet homme-là, là. Moi, je vais tout le temps me rappeler de lui dans le temps, l'affaire, le théâtre qu'ils nous ont fait avec les accommodements raisonnables, pour finalement finir avec la commission Bouchard-Taylor, avec deux vieilles coquerelles, nous faire la leçon que finalement le problème, c'est que les Québécois sont pas assez éduqués, puis sont islamophobes, puis hey, là. Hein? Quoi? C'est ça, là, on n'est plus dans une démocratie, là. Si quand la population n'est pas d'accord avec toi, ta réponse, c'est qu'il faut les éduquer à être d'accord avec nous à tout prix. Il y a un problème. Il y a un problème. On n'est pas respecté comme collectivité, je peux dire comme peuple. C'est pareil partout. Je veux dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui un peuple occidental qui est respecté par ses gouvernants? Il n'y en a pas. Bonjour, Bertel Kébert, c'est vous de l'affaire des 76 enfants disparus en Grande-Bretagne? Je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, mais vous savez, la Grande-Bretagne, c'est le berceau de cette culture-là, tant qu'à moi. Vous vous souvenez, dans le temps de Margaret Thatcher, à un moment donné, il avait sorti un scandale sur des cercles de prostitution juvénile, puis c'était la moitié de la Chambre des Lords qui était là-dedans. Puis, est-ce que ça, il s'est passé tant de choses que ça? Est-ce que ça a été réglé tant que ça? Ben non. Puis après, bon, il y en a eu Jimmy Savile, puis le prince Andrew. Il y a du monde qui se sauve tout nu du palais de Buckingham, qui se tue en tombant à terre, puis les journaux anglais n'en parlent même pas. Donc, bon, à un moment donné, là, ils envoient les collégiens en sortie voir le dernier film de Spielberg et Avatar. C'est vraiment une honte. Ben, je comprends donc, c'est une honte. James Cameron s'est rendu une putain comme les autres. Je ne l'ai même pas vu, son premier Avatar. Moi, il ne m'intéresse plus depuis Abyss, lui. Ça fait longtemps. Hein? Donc, bon, mais non, il n'y a rien de. C'est quoi le dernier film de Spielberg? Je ne suis même pas au courant. Mais non, c'est rendu. C'est incroyable parce qu'on sait qu'il y a eu des programmes pour induire des choses à la population à travers la fiction, notamment Hollywood, des choses comme ça. Puis c'est en train de s'étaver de remplacer carrément l'éducation, le divertissement. Donc, bon, la pharmacie de mon village vient de faire la pub de sa cabine d'auto-consultation sans rendez-vous. Car il n'y a plus de généraliste. Bientôt, la cabine robotisée qui crachera des ordonnances Pfizer. Ben, tant qu'à faire, il devrait offrir l'aide à mourir dans des cabines. Ça continue, ça va être ça. Une refonte de West Side Story. Moi, ouais. Mais vous savez, tout ce qui est. Finalement, juste par la fiction, puis parce que les États, hein, qui subventionnent le divertissement de nos jours, c'est la vieille logique du pain et des jeux. Juste par la fiction, par la culture populaire, vous pouvez savoir ce qui va être mis de l'avant dans 10 ans. Carrément, là. Puis, quand il y a de la fiction qui va dénoncer des choses ou il va y avoir des messages intelligents dedans, habituellement, c'est des petits films indépendants. C'est des studios indépendants. Donc, bon. Il y a une couple. Il y a plusieurs réalisateurs qui sont vraiment indépendants. James Cameron, ça a déjà été quelqu'un d'indépendant, mais aujourd'hui, c'est une vieille putain. Moi, je le considère comme tel. Il y a. Si vous prenez comme John Carpenter, lui, souvent, il était un petit peu putain, un petit peu pas putain. Puis là, de temps en temps, là, il était déçu, puis là, il faisait un film pour se venger. Après, il revenait dans le système, puis là, il faisait une commande. Après, il retournait faire un film pour se venger. Comme un rapport amour-haine avec le système. Donc, bon. L'aide à mourir dans les cabines, c'était Soleil Vert. Ouais, c'était comme dans Soleil Vert, c'était comme. Le racisme, mec, les profs disent qu'il faut s'en souvenir. Bon, oui, mais ça, la violence, les racistes, ben, vous savez, c'est quoi ce qui est le plus saillie de nos jours? C'est la race de l'individu. Puis je parle pas d'un individu individualiste. Un individu individué. Toute la guerre est contre lui. Puis bon, il y avait des vidéos à la cabine pour le pic-pic. J'ai déjà vu des vidéos de ces cabines. Ah, ils se sont pas rendus là. Dans le film de Disney Fantasia de 1940, beaucoup de messages occultes et ésotériques, ben, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Mais tout ce qui sort de Disney est malsain. Je veux dire, même en fait, je trouvais ça. Puis bon, mais là, c'est en train de. Je veux dire, ça va pas bien, hein, Disney. Ça va pas bien. C'est pas une compagnie dans laquelle j'investirais, de toute façon. Là, mais bon, je suis à la Bourse de Toronto, là, je veux rien savoir des autres. Mais bon, Disney, c'est plein de cultes, c'est plein aussi de futurisme par rapport à une propagande que moi, je considère liée à une forme de mysticisme nazi extrêmement subtil. Bon, en tout cas, bon. James Cameron, le vegan. Bon, ben oui. Ben oui, c'est certain. Ben oui, mais c'est vraiment. On se fait faire la leçon par des vieux hippies, par des. Bon, c'est insupportable. C'est devenu insupportable. Puis, même prenez quelqu'un qui est vu comme un petit peu. Puis, prenez Wes Craven. Wes Craven, c'est. Gauchiste fini, ça. Ben là, il est mort, là. Mais c'est un gauchiste fini. Je veux dire, puis on le voit, la mentalité de cet homme-là, dans le fond, qui était quelqu'un de malsain, d'extrêmement malsain. Prenez son film People Under the Stairs. C'est carrément de la propagande. On dirait que c'est le Parti démocrate, puis ceux qui font voyons, la planification familiale, qui ont écrit le scénario, carrément. C'est vraiment dégueulasse. En tout cas, puis j'avais vu ce film-là, je devais, bon, ça a sorti quoi, hein, début des années 90, je vais avoir 11-12 ans, puis je l'avais vu, que c'était de la propagande, que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là-dedans, là, c'est quoi le mal dans People Under the Stairs? Je vais vous le dire, c'est quoi le mal? Le mal, là, c'est la famille de droite américaine. Carrément, les bourgeois de droite américains. C'est eux autres le mal. Puis le bien, là, c'est les minorités criminalisées. Puis tout est viré à l'envers chez Wes Craven. C'est quelqu'un qui avait vraiment des valeurs inversées. Puis. Je veux dire, c'est comme son couple malfaisant. Il avait dit à un moment donné en entrevue, il dit, c'est une Nancy et un Ronald Reagan maléfique. Même si les vrais sont déjà maléfiques. Il dit, hey, wow, c'est pas polarisé pantoute, hein, c'est pas. Bon, en tout cas. Bon, je n'ai manqué une couple. Là. Bonjour, Daniel. Avec des lunettes 3D, tout le monde s'éclate. Ouais, j'ai tout le temps un petit peu de problème avec cette technologie-là parce que moi, ça marche pas. Notre monde, il est assez sombre. Moi, ben là, ça dépend. Bonjour Bertol, ton chat a trouvé sa place pour ne pas miauler si tu n'auras pas. Ben non. Par du monde dominé par leur propre inconscience. Ben oui, si vous dominez votre prochain, c'est parce que vous êtes dominé. Bon, il y a encore des petites graphines, il se bat. Donc, bon, c'est ça. C'est ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Eliane. Avec le recul, j'apprécie davantage les films de Pierre Falardeau, même s'ils étaient un gars de gauche, Elvis Gratton, quasiment devenu une réalité. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir comprendre que la gauche puis la droite, c'est pour le peuple, ça. Parce que derrière les rideaux, ils sont ni à gauche ni à droite. Tout le monde est chum, puis c'est tous des pourris. Puis c'est comme une mafia. La mafia est ni à gauche ni à droite, hein. Mais elle va servir de la polarisation, puis de la polarité, comme on le voit avec le racket, des choses comme ça. Puis ils vont tout le temps jouer là-dessus. Donc, Pierre Falardeau, ouais, c'est un gars de gauche, mais il reste que, je pense que vers la fin de sa vie, il avait compris. Il avait compris cette game-là, puis il avait compris qu'il n'y a pas de droite ni de gauche derrière les rideaux. Ça, c'est pour le petit peuple, la droite puis la gauche. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que des Elvis Gratton de gauche, il y en a. Il y en a des Elvis Gratton de gauche. Ils sont pires encore. Moi, je les trouve pires encore. Mais bon, selon toi, qu'est-ce qui pourrait créer un premier mouvement dans l'effondrement de cette noirceur de chair sociétale? Bon, ben franchement, si vous me connaissez, là, vous savez que moi, je n'ai pas d'espoir que ça va se relever avant d'être complètement à terre. Donc, puis là, on essaie de nous faire croire que il y a des choses qui s'effondrent en ce moment. Hein? Puis non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Il y a une surmortalité qu'on nous cache juste autour de moi. Là, si je prenais une liste, là, puis je regardais le nombre de décès, puis c'est une surmortalité ciblée. C'est surtout des jeunes hommes, semble-t-il, qui ont été ciblés. Puis c'est vraiment n'importe quoi. Puis, comme c'est là, je veux dire, y a personne qui réclame d'explication. Il y a personne qui. Fait que finalement, donc, ils sont complètement décomplexés. Complètement. Comme il a montré l'oiseau moqueur de Gino Chouinard, là. Salut, bonjour. Puis, c'est vraiment odieux. C'est odieux. Mais moi, Gino Chouinard, je n'ai jamais été capable. C'est une espèce de gendre parfait pour vieilles matantes sur les médicaments. C'est ça, Gino Chouinard. C'est le gendre parfait pour les vieilles bonnes femmes perdues sur des pilules. Puis, bon, c'est ça. Moi, je le vois de même. Puis là, c'est gros comme un éléphant. Et c'est incroyable comment est-ce qu'ils sont un peu subtils, comment c'est décomplexé. Je veux dire, ils sont capables de. Je regardais sur le site du docteur Laibie ce matin, puis ils sont capables, les experts sont capables de déterminer une momie morte il y a 5 000 ans est morte de quoi. Mais quand là, il faut expliquer la surmortalité, il y a encore un footballeur de 25 ans, il est mort d'une shot, paf! Là, ils sont pas capables. Ils sont pas capables, puis ils font ça. Ils n'ont même pas l'envie de faire une investigation, semble-t-il. Ça ne les intéresse pas. C'est la plus grosse surmortalité qu'on a jamais vue depuis les débuts de l'ère industrielle. Ça défie les lois statistiques. Les compagnies d'assurance savent plus quoi faire. Sont en train de si ça continue, ils vont faire faillite. Puis finalement, ils veulent pas, même pas chercher qu'est-ce les causes. Ça les intéresse pas. De toute façon. C'est sûr que cette surmortalité-là contribue à sauver la planète. Pourquoi est-ce qu'on chercherait des causes? Donc, à un moment donné, c'est une mentalité mortifère. C'est comme, même je le disais il y a 3 ans, puis même avant ça, on est dans une civilisation de mort, on gère la vie par de la mort. Donc, c'est ça, l'aboutissement, c'est ça. Bon, en tout cas. Mais bon, regardez décoder l'écho. Pierre, il parle de la situation actuelle. L'écho. Ah, je ne sais pas c'est quoi. Ici en France, un matin, au pire, les gens sont trop naïfs ou abrutis. Ben, c'est un peu pareil partout, là. C'est un peu pareil partout. Mais là, avec les affaires que vous avez en France, Cyril Hanouna, des affaires quand même, il y a eu un travail d'abrutir qui est depuis des années. Mais au Québec, je pense qu'on est en avance là-dessus. Ben, les Québécois sont un petit peu moins vifs d'esprit. Un petit peu moins vif d'esprit, donc c'est plus facile. Il n'y a personne qui va sauver la planète. Ben, moi, je me demande qui va sauver la planète de ceux qui disent qu'ils vont sauver la planète. C'est ça la question. C'est ça l'affaire. Ben non. Ben, c'est comme quand ils ont sorti la nouvelle que supposément au Forum économique mondial, il y a Harry Roux ou d'autres, je ne sais pas trop qui aurait déclaré ça, mais que les pédophiles allaient sauver la planète. Quand que ça a été sorti, ça, parce que oui, eux autres, ils n'ont pas d'enfants, ils ne font pas d'enfants, puis les enfants dont ils abusent ne seront pas portés à fonder des familles, donc les pédophiles pourraient sauver la planète. Quand ça a sorti, ça, je me suis dit, c'est sûrement une fake news. Ça se peut pas. Mais à date, j'ai rien trouvé qui dément ça. J'ai rien trouvé. Je n'ai pas cherché fort, là. Mais d'un autre côté, je me dis, ben, ça peut aussi bien être vrai. qu'il y a un imbécile du Forum économique mondial qui est sorti une affaire de même ou que ces imbéciles-là pensent ça. Parce que tout est à l'envers. C'est tout le temps de la contradiction. Mais j'ai rien trouvé qui démentait ça. C'est peut-être vrai. Finalement, ils ont sorti ça puis ça fitterait avec l'effet que c'est des débiles. C'est complètement débile. Mais là, regardez, là, ils veulent parler de sauver, ils veulent parler pour les énergies vertes, l'environnement, puis bon, qui c'est qui va nous faire la leçon? C'est des milliardaires qui se réunissent en jet privé. Puis supposément qu'ils ont reçu la directive, il ne faut pas que les pilotes soient inoculés. Mais là, essayez là, de faire le vrai du faux là-dedans. Parce que quand j'essaye de trouver la source de l'information, finalement, je tombe sur rien. Mais c'est tellement absurde, c'est tellement ridicule, c'est tellement illogique, puis c'est tellement à l'image de choses qui étaient réelles, puis qui étaient officielles, qu'on finit par se dire, ben, c'est peut-être vrai. C'est possible. C'est possible, ça ne me surprendra pas. Il n'y a plus rien qui me surprend. Il y a vraiment. Là, il y a Bill Gates, il commence à faire du rétropédalage, puis à changer de discours. Mais ben là, ça, c'est tactique, c'est parce que c'est le temps, là. Changer de discours. Ça veut dire la phase, une autre phase qui s'en vient. Ça veut dire qu'il y a une autre phase qui s'en vient, là, ça va être d'autres choses. Puis, il semblerait que le COVID, bon, ça, cette gestion catastrophique-là, dans le fond, qui va avoir tué plus de monde que ça en a sauvé, ça doit être pour sauver la planète, puisqu'ils ont l'air de penser que c'est ça qui menace, c'est l'être humain. Dans le fond, c'est rien que des prétextes. C'est rien que des prétextes. C'est comme dans le temps, là, quand il y avait des massacres d'innocents après des recensements. Il y avait tout le temps un prétexte, il y avait tout le temps quelque chose. Mais bon, finalement, on finit par se dire, ben, bon, allez-y, je veux dire, ils sont de plus en plus décomplexés, c'est de plus en plus n'importe quoi. Peut-être que ça pourrait servir à la longue. Ça pourrait servir parce que là, à un moment donné, c'est une affaire de timing. Puis, il s'arrange tout le temps pour que, bon, en tout cas, à un moment donné, peut-être ça va fonctionner. Je veux dire, ils vont réveiller plus de monde qui en endorment parce qu'il va avoir eu une erreur de dosage puis de timing. Puis, une fois que ça s'est vu, il n'y a plus de retour en arrière possible pour certaines personnes, en tout cas, ou quand le choc est fort, ben, peut-être que là, ça va commencer à être un petit peu moins ridicule. Mais ben, franchement, là, quand je regarde. Comment on est organisé. Je veux dire, c'est clairement les Américains qui dirigent l'Europe, qui dirigent le Canada, qui dirigent. Puis là, je parle les Américains, je parle les services américains, entre autres les services anglais, tout ce réseau-là, l'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Le COVID, il a été préparé par le Pentagone. C'est l'évidence même. C'est ça que je pense depuis le début. Je veux dire, c'est des opérations militaires, dans le fond. C'est une militarisation de tactique au niveau des civils. C'est une guerre contre les populations par des services. Puis finalement, bon, regardez là, Donald Trump, puis là, avec son opération Warp Speed, là, puis là, ils se vantent qu'il a sauvé 100 millions de personnes. 100 millions de personnes. Puis Cossette Trudel est encore accrochée sur Trump, puis est bandée sur Trump comme d'habitude, puis là, nous explique que c'est vrai, Trump a sauvé 100 millions de personnes. Avec son opération Warp Speed, c'est encore une stratégie tellement intelligente que ça défie la logique de l'entendement commun. Là, à un moment donné, c'est quoi ça? C'est bonne celle-là. Ben oui, Trump, il fait partie du reste. Parce que quand vous montez un show, quand vous montez un écran, bon, ça prend des protagonistes, ça prend des antagonistes, il faut polariser, puis tout. Puis Trump, ben, il joue son rôle. Moi, c'est bien de valeur, mais je n'ai jamais eu aucune confiance en ce gars-là. Ça fait des années que je le dis. Puis, à mes yeux, il fait partie de la manœuvre. Il fait partie de la manœuvre. Trump, là, s'il était le moindrement menaçant pour ce qu'on appelle l'État profond, ben Chris, il serait mort, ça fait longtemps. Il se promène à l'air libre sur son terrain de golf en Floride, n'importe quel quidam qui a été fouillé un peu, puis aller serrer à la main. Hey! Avec le type d'armement qu'ils ont, puis tout, il sera mort, là. Il sera mort. C'est pour ça que même Zelensky en Ukraine, moi, je pense que Poutine, il veut le garder en vie parce que t'aimes mieux avoir ce gars-là, dans le fond, comme antagoniste, tu sais, que quelqu'un de plus allumé qui prendrait sa place. Parce que si Poutine il avait voulu que Zelensky soit mort, il serait mort ça fait longtemps. Voyons là. Voyons. Si Donald Trump était le moindrement danger pour le Deep State américain, il serait mort ça ferait longtemps. Voyons là. N'importe quoi, là, à un moment donné. Du théâtre, c'est du théâtre d'été en plein hiver. C'est ça que c'est, puis ça fait des années que ça dure. Puis, bon, est-ce que tu considères qu'Israël fait partie de ces agences de renseignement, espionnage? Ben oui, le Mossad, c'est lié à l'Angleterre. Ben oui. Voyons, là, c'est sûr. Mais là, moi, je fais tout le temps une différence entre... je veux dire, il y a une différence entre la population d'Israël puis Israël. Puis même Israël avec des gros, gros guillemets. Mais bon, est-ce que les oppositions sont vraiment des oppositions politiques? Ben non, mais je l'ai déjà expliqué ça. C'est la loi du Pentagone, mais pas le Pentagone des États-Unis, mais le Pentagone a les lois de domination, puis le damier dans le Pentagone. C'est-à-dire que prenez une chambre comme au Canada. Bon, il y a la Chambre des communes, là, il y a un parti au pouvoir, il y a un parti à l'opposition. En avant, il y a... Le président de la Chambre et tout, c'est le même modèle que les loges. C'est la même affaire. Pourquoi vous pensez que dans les tribunaux, ils ont un maillet et ils tapent sur... Ça vient tout de là. Ça vient tout de là. C'est pourquoi on appelle ça des travaux, ce qu'ils font en Chambre. Ça vient tout de la franc-maçonnerie, ces termes-là. Tout. Puis vous avez celui-là qui préside l'Assemblée nationale. Le chef du grand honorable patente Cossin, puis bon, c'est les mêmes structures, puis ça vient tout d'Angleterre, le parlementarisme à l'anglaise. Puis quand ça vient pas d'Angleterre, ça vient de l'Antiquité. Ça vient comme les Romains, comme les États-Unis, la France, c'est plus genre romain, gallo-romain. Mais nous autres, on est vraiment. bon, du coup, mais bon, c'est des sujets un peu. Mais on n'a pas d'opposition, c'est du théâtre, c'est une représentation. C'est comme de la lutte, c'est comme du catch. Bon, après que le combat est fini, là, sont un chum, puis ils vont prendre une bière ensemble, les lutteurs, c'est la même chose la politique. C'est des mafias, c'est des questions d'intérêt, puis c'est du clientélisme, puis du patronage. C'est ce qui se passe derrière les rideaux, la vraie politique. C'est jamais celle qui est devant, c'est jamais celle qui est... Bon. Ça prend pas long pour éliminer ce qui est gênant au niveau politique. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je crois pas à une réelle opposition. Dès qu'il y en a une, là, c'est pas long qu'ils font. Bon. Il y en avait un militaire qui était en charge de la vaccination, les opérations de vaccination au Canada. Puis je pense que peut-être ils ont pas eu confiance, puis ils ont eu peur qu'ils sortent de quoi, ou je ne sais pas trop. Tout d'un coup, paf, ils ont sorti une affaire, une vieille histoire d'agression sexuelle d'il y a quasiment 30 ans pour le forcer à s'en aller. Bon, ça, quand il y a des affaires dans le même, là, c'est pas pour rien qu'on met en poste des gens qui ont des casseroles, parce que la minute qu'ils sont pas dociles et obéissants, ben là, vous sortez une casserole, puis vous vous en débarrassez. C'est pour ça qu'ils ont toutes quelque chose à se reprocher. Dès que quelqu'un atteint un haut niveau, un haut poste au Québec, au Canada, ben, ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a la dame de chez Hydro-Québec, ils l'ont forcée à démissionner, tant qu'à moi, c'est pas elle qui a démissionné de son gré, je suis pas mal certain, mais bon, il n'y avait peut-être pas de casserole pour se débarrasser d'elle, mais ça doit être par d'autres choses. Puis là, a dû signer une entente de confidentialité en s'en allant pour avoir sa petite prime de départ, fait qu'on ne le saura jamais ce qui s'est passé. Mais moi, je peux considérer par déduction que ce qui est arrivé, c'est qu'elle a reçu des directives cet hiver pour qu'on soit forcé de nous priver par Pierre Fitzgibbon, puis elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché. Donc, pas longtemps après, ils se sont débarrassés d'elle. C'est comme ça, je le vois. Mais bon, c'est peut-être tard, je ne sais pas, dans le fond. Mais logiquement, en tout cas, j'ai écouté ton direct d'hier, j'ai hâte que tu fasses un direct pour expliquer le sens de la lettre G. Ouais, ça pourrait être n'importe quel autre. Puis même là, c'est tout... vous savez, l'affaire, c'est que... Vous vous souvenez de l'émission en France des chiffres et des lettres? Bon, ben, si vous comprenez ça, c'est déjà à moitié décortiqué. les gants blancs, quand ils... On a bien vu les gants blancs. Quand ils... On a vu les Gamblins pour retirer le crucifix. Ouais, ben là, ça, c'est le côté conservateur de musée, là, montrer qu'il traitait ça avec respect. Mais oui, mais c'est pas un crucifix du 15e siècle, là. C'est une patente qui a été mise là dans le temps de Duplessis. Mais l'affaire, c'est la symbolique qu'ils ont pris. La façon qu'ils ont placé l'escabeau, puis... Mais moi, je vous le dis, les chambres des communes, c'est des loges. C'est fait comme des loges. Bon, si on comprend pas ça... Bon, c'est des loges. C'est sûr qu'ils se font se mettre des gobelins. Il manquait rien que le tablier, le bonhomme. Mais là, c'est ça. J'essaie de pas trop... Ils ont bien éliminé Claire Sévrac quand elle a commencé à faire du moins. Mais l'affaire, c'est que ça devient difficile à un moment donné de savoir... Oui, la personne, elle s'en mettait sur le dos, puis elle s'était missionnée, puis tout. Puis oui, des fois, ça peut faire des maladies fulgurantes. Possible aussi que ce soit comme vous dites. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas vérifier. Prenez Tepa. Tepa aussi, ça a été fulgurant, il est mort. Mais il reste que des fois, bon, ça prend des... pour être sûr, pour être sûr. L'affaire, c'est qu'ils vont faire des coups comme ça, même entre eux autres. Même entre eux autres. Prenez Jimmy Guilleux. Jimmy Guilleux, c'est un franc-maçon. Bon, mais ça a l'air qu'il était dans les petites affaires en bas parce que, bon, finalement, lui, au moins, il y a des témoignages, là. Il y a des témoignages. Ils ont trouvé, c'était quoi? Il y avait une barre d'uranium dans son fauteuil. Mais, bon, là, ça commence à être spécial. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que pour noyer le poisson, ils sont capables de se dénoncer eux-mêmes. Puis il y a des guerres entre ces cliques-là. Donc, ça devient souvent, des fois, on ne le saura jamais. Donc, est-ce que c'est vraiment important? N'importe qui peut se faire éliminer aussitôt qu'une personne ne pense pas comme tout le monde. Ben, ça dépend. Ben, le groupe la rejette, tu peux tout à fait ça être éliminé, là. Ça, c'est se faire mettre hors jeu. Mais bon. Ben, je peux vous dire par expérience que si vous ne pensez pas comme on veut que vous pensez, vous allez être barré partout. Vous allez être sur des listes noires partout. Puis là, vous essayez d'obtenir des prêts, vous essayez d'obtenir des subventions, vous essayez d'avoir accès à des programmes, puis tout est barré. Ils veulent rien savoir. Puis souvent, les fonctionnaires ne savent même pas pourquoi. Parce qu'après, vous leur demandez, vous dites, je ne sais pas. De toute façon, ils ont le pouvoir discrétionnaire, des fois, de ne pas répondre. Pas que Claire Sévrac, Aaron Rousseau et les autres aussi, ils ont éliminé. Aaron Rousseau, il s'est mis à parler quand il a su qu'il était malade. Quand il a su qu'il était malade, il s'est mis à parler. Mais d'un autre côté, comme il avait été mis dans la confidence, avant de tomber malade, puis qu'on n'y embarquait pas, bon, c'est louche pareil. Mais il s'est mis à parler parce qu'il savait qu'il allait mourir, Aaron Rousseau. Puis bon. J'imagine qu'il voulait soulager sa conscience, peut-être. Mais bon. Oui, il manquait rien que le tablier. Ben oui, on dirait que chaque personnalité publique doit supporter un scandale. Ouais, ben il y a des affaires comme une sorte de cheminement initiatique, on dirait, quand les personnes deviennent publiques. Puis, bon. C'est pas bon signe, c'est pas... J'ai connu personnellement Claire Sévrac, c'était pas si clair que ça. Ah oui, parler, c'était pas si clair. Ouais, mais vous savez, elle, bon, c'est surtout qu'elle avait... Elle, ça a commencé quand elle a décidé de traduire un ouvrage. Puis là, après ça, là, c'est parti, puis bon... Mais dans le fond, l'information, elle existait... avant elle, pareil, là, c'était pas elle la source toujours. Donc, je sais pas. Comme les frères Bogdanov, soi-disant décédés du COVID, ouais, ça, je sais pas de ça qu'ils sont morts. Quelques jours d'intervalle, je peux pas y croire, ils savaient beaucoup de choses. Pas sûr. Pas sûr. S'il y en a qui ont été maîtres dans l'art de faire croire qu'ils savaient des choses, puis finalement, quand on regarde avec le recul, là. Moi, je les considère pas comme des scientifiques, ces deux-là, je les considère comme des espèces de geeks qui tripaient sur de la science-fiction. Complètement, d'ailleurs, du monde, puis je repousse, il y a peut-être le mode de vie aussi qui a contribué à les tuer. Donc, bon, ce qui savait tant de choses que ça, je pense pas, là. Je pense pas. Mais bon, ben, je sais pas, dans le fond. Je sais pas, dans le fond. Mais est-ce que, ben, peut-être, je vais être franc avec vous, quand ils sont décédés, ces deux-là, je me fous. J'ai pas trouvé ça. C'était pas, je l'ai pas vu comme des résistants qui tombent au combat, mettons. J'ai pas vu ça comme ça. Mais bon, c'est du monde qui aimait. Ouais. Mais il risquait. Mais ils sont pas morts du COVID, là. Je crois pas ça. Je crois pas ça. Prenez, nous, on a un comédien au Québec, c'est Ghislain Tremblay. Tremblay, c'est une des premières personnes connues qu'on nous a annoncées comme mort du COVID. Il y avait l'Alzheimer depuis. Bon. Hein? Ben, pas mort du COVID, d'après moi, là, mais bonjour. Je reprendrai la diphtérie. Ah, ben bon, à plus tard. Les jeunes trop doués au secondaire sont mis à l'écart par la direction. Leur avenir professionnel est destiné à l'avance, à l'usage du système. Ben oui, c'est à ça que l'école sert, c'est du conditionnement, de la formation. Il y avait le recteur de l'Université de Montréal, là, je me rappelle plus c'était lequel, il était allé déclarer. Le but d'une université, c'est de former des gens qui vont servir le système. Il y avait carrément, je ne sais plus le savoir, là, comme on dit, non, non, c'est pas ça. Il aurait dû être immédiatement destitué, tout de suite. C'est inacceptable, mais c'est devenu normal maintenant de tenir un discours comme ça. Mais non, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Je veux dire, la première université qui a été fondée, c'est quoi? La Sorbonne à Paris. Bon, ben, le but de Sorbonne, c'était pas de créer des gens qui allaient servir le système. Un système humain, c'était pas juste ça, là. C'était pas, justement, comme on parlait tantôt, c'était pas juste l'humanisme, là, vide, là, comme on nous le prêche maintenant. Depuis les Lumières. Les Lumières, ouais. Elle collaborait avec certains politiques, je ne préfère pas en dire plus publiquement. Vous parlez de Claire Sévrac, bon. Ben, moi, je n'ai jamais embarqué, ben, je n'ai jamais lu ses livres, je n'ai jamais même été capable d'écouter une conférence au complet. Mais bon, pas vraiment de. Les répercussions des vaccins sur ces enfants que Claire s'est mise à parler au lieu de chanter. Ah oui, ça, j'étais pas au courant. Mais, ben, moi, j'ai un cousin. J'ai un cousin qui est, je pense qu'il a 2 ans de plus que moi. Puis, lui, à un moment donné, il a eu quelque chose. Il a eu un traitement, puis son système, il est arrivé quelque chose. Puis, bon, il s'est ramassé à l'hôpital. Puis, le médecin a clairement déterminé, c'est tel vaccin que tu as eu quand tu avais tel âge qui a créé telle faiblesse. C'est pour ça que l'autre traitement, même 25 ans plus tard, a engendré cet effet-là. Ça, c'était l'avis de son médecin. Puis, il était très surpris, mon cousin. Mais lui, ce cousin-là, qui travaille en finance, entre autres, lui, il voulait fuir le Canada il n'y a pas longtemps. Il était même allé au Mexique pour se magasiner une maison. Lui, il est en couple avec une Chinoise. Puis, ils ont 2 enfants. Puis, bon, je ne devrais peut-être pas parler comme ça, là, du monde de ma famille, mais bon. Puis, lui, il voulait rien savoir pendant toute la. Je veux dire, c'est la même opinion que moi, là, au niveau de la surface technique, là. Ça va peut-être pas aussi loin. Mais, je veux dire. Puis, c'est quelqu'un qui très connaissant au niveau de la finance. C'est un spécial, mon cousin. Il a, je ne sais pas combien de blocs appartements qui lui appartiennent. C'est un spéculateur immobilier aussi. Puis, bon, j'ai tout le temps considéré que c'était quelqu'un de très brillant. Puis, non, il n'a pas embarqué du tout dans ces choses-là. Puis, finalement, pourquoi je parle de lui, donc? Ah oui, c'est ça. Lui, c'est ça qui l'a fait. Il a fait comprendre certaines choses il y a quelques années, quand il était malade, puis qu'on lui a expliqué que c'était possiblement lié à un traitement qu'il a eu quand il était plus jeune. Donc, bon, ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Donc, la déception, bon, hein, se faire chier pour rien, là. Bon, ça peut aider, mais pourquoi pas? Je savais pas que c'était une chanteuse, Claire, c'est vrai. Je ne savais pas. J'étais au courant, là. Coudon, ils ont toutes des carrières de chanteurs. Ils ont tous voulu être chanteurs. Ça me dérange un peu. Parce que d'habitude, ça fait nombre de personnalités. Prenez Jimmy Guilleux. Il avait été chanteur de chambre. Puis même Varion, Raël, c'était un chanteur, ça. Il s'était essayé comme chanteur. C'est un journaliste sportif, mais il s'était essayé comme chanteur. C'est lui qui chantait « Monsieur, votre femme me trompe. Monsieur, votre femme. Ouais. Je regrette d'avoir laissé l'infirmière vacciner mon fils. J'ai eu des menaces d'avoir la DPJ après moi. J'ai eu peur. L'infirmière a donné 5 vaccins à mon fils dans le même rendez-vous. » Ouais, c'est lourd, ça. C'est lourd. On va appeler la DPJ. Ça, c'est rendu. La DPJ, moi, je considère quasiment ça comme une... Ben, je considère le gouvernement comme une organisation criminelle. C'est du crime organisé à mes yeux. Donc, la DPJ... Eux autres, c'est eux autres qui gèrent la maltraitance sur les enfants. Dans le fond, je veux dire, c'est du chantage, c'est purement du chantage, c'est dégueulasse. Si des ménonites ou des amiches, là, ils veulent pas, là, ils appellent la DPJ, je pense pas, hein. Je pense qu'ils ont des avocats, eux autres, hein. Ah, ouais. Claire, elle a chanté avant, j'ai vu ses vidéos, eh bien... J'étais jeune et ça fait 10 ans aujourd'hui, je n'aurais pas eu peur. Ah, ça ne doit pas de quoi vous parler. OK, ouais. Là, OK, je vois plus haut, là. Elle chantait, mais elle n'était pas du tout connue. Ah. Eh bien. Ben, maintenant... oui, c'est dégueulasse. Ben oui, ben la DPJ, c'est par le chantage. C'est... Dans le fond, là... ce que les Autochtones, ce que les mères autochtones se sont fait faire dans les années 40, 50, 60, 70, c'est rendu, dans le fond, ils ont servi à former. En tout cas, aujourd'hui, c'est toutes les mères qui vont subir ça. Ils médicalisent, dans le sens que ils vont servir de la santé comme prétexte pour vous enlever vos enfants. L'État veut vos enfants. L'État emprunte déjà sur le dos de vos enfants. Dès que vous faites venir un numéro d'assurance sociale de votre enfant, il rentre dans les statistiques, puis l'État peut emprunter au FMI sur les futurs impôts que ces enfants-là, spéculativement, vont payer dans le futur. Donc, ils considèrent que vos enfants leur appartiennent. Vous leur appartenez. C'est aussi simple que ça, là. Ma petite nièce ne cesse d'être très malade. Ben... Elle n'est pas toute seule. Parce que là, ça n'arrête pas. Mais le problème, c'est pas qu'on ne le voit pas et qu'on ne voit pas les répercussions, c'est que les gens sont lâches. Les gens sont lâches. C'est du contrôle mental rendu là. Quand je vois quelqu'un avec son masque sur la rue, là, il est tout seul ou dans son auto avec un masque, c'est du contrôle mental. Comment vous voir ça autrement? Je ne peux rien dire. Moi, ben là, c'est votre nièce. Mais bon, des fois. Ben, c'est comme moi, je vais avoir dit quelque chose, oui, mais au niveau personnel, j'interviens pas. J'ai écrit déjà, dans les premiers temps de la pandémie, j'ai écrit à ma députée, j'ai écrit à la Sûreté du Québec, puis même dans les lettres, je leur décrivais tout ce qui allait arriver, toutes les conséquences de ce que ça allait faire, toutes les faillites qu'il allait avoir, tous les suicides, Puis finalement, bon, j'espère qu'ils ont honte d'eux autres un peu, qu'ils ont honte d'eux un peu. Juste ici, en ville, là, au niveau, il y a une réserve pas loin, là, des Autochtones qui sont suicidés, là, ça dépasse l'entendement. Puis moi, c'est de voir que j'ai écrit un paquet de monde pour leur prédire ça, il y a 3 ans. Puis finalement, bon... moi, je le savais qu'il ne ferait rien, je le savais qu'il ne se passerait rien. Moi, mon but, c'est qu'il ait plus honte un petit peu, qu'il développe du scrupule, du remords. Bon, mais là, je veux dire, c'était tout prévisible. C'est pas, ça devient facile prophétiser. Je connais quelqu'un qui est très pro-vaccin. Sa fille est toujours malade. Elle a une gastro grave à tous les 2 semaines et personne ne fait le lien. La petite fille fait vraiment pitié. Bien, c'est sûr. J'ai une de mes tantes. Elle est tout le temps rendue à l'urgence parce qu'elle a mal au ventre, puis mal au ventre. Il y en a une, la femme d'un médecin. Imaginez, c'est la femme d'un médecin. Puis là, elle a des acouphènes, puis elle a des acouphènes. Puis là, là, ils cherchent comment ça qu'elle a des acouphènes. Les acouphènes, c'est pas compliqué. D'habitude, c'est soit un effet secondaire d'un médicament ou soit un effet secondaire d'un médicament. Son mari est médecin. Elle est vaccinée 5 fois, la folle. Puis c'est pas son niochon de médecin qui va lui dire, dans le fond. Parce que lui-même, il est sous contrôle mental. C'est du contrôle mental. Je connais même un médecin juste, tu trouves ça parfaitement normal qu'il ait arrêté les autres. C'est tout à fait normal. OK. Il est allé dire à un de mes oncles, il y a un de mes oncles, parce qu'il est aussi médecin de famille, il y a un de mes oncles qui est allé le voir, puis il dit, c'est quoi ça, l'affaire des masques? Les premières fois qu'il imposait le masque, puis il est allé dire à mon oncle, ben ils ont raison, regarde, là, en parlant, tu postillonnes sur mon bureau. En tout cas. Bon. OK. Les gens ont même peur de rapporter leurs effets secondaires. Ben oui, vous êtes traité comme un pestiféré si vous faites ça. Comme s'ils préféraient se faire à croire qu'ils ne sont pas, ils se sont pas trompés. De l'orgueil mal placé, de l'orgueil mal placé, moi. Mais l'orgueil aussi, c'est mal placé. Je confirme avoir défini. Savez-vous, c'est quoi de l'orgueil bien placé? De la dignité. C'est tout le temps mal placé, de l'orgueil. Je confirme avoir définitivement eu de la pression à l'hôpital à la naissance de mon enfant pour remplir les paperasses pour son numéro d'assurance sociale, une sorte d'urgence complètement inappropriée. Voilà, c'est la priorité, c'est une des priorités, hein? Ben oui, mais ben là, c'est comme, bon, c'est pour ça que j'ai pas d'enfant. Dans le fond, des fois, je dis j'ai des regrets, mais je n'ai pas tant que ça. Je n'ai pas tant que ça, parce que dans le fond, le système essaierait de me faire passer pour un fou. Quand c'est des juifs hassidiques ou que c'est des amiches ou que c'est des ménonites, là, le système, ils ont plus de misère parce qu'il y a une gang. Puis d'ailleurs, quand c'est des sectes, souvent l'État collabore. Hein? La mission de l'Esprit-Saint, il y avait des complices jusqu'à des services sociaux, leur, bon, les avocats, puis pour regarder les apôtres de l'amour infini, il y avait clairement des complices jusque dans les services sociaux qui, bon. Mais quelqu'un tout seul, là, c'est bien plus fait. Là, ils vont te faire passer pour une secte, un fou. Ah oui, moi, si je dis, je veux pas que mon enfant ait de numéro d'assurance sociale pour pas que le gouvernement l'endette, ils vont dire, monsieur, vous êtes fou. Bon, OK. C'est pour ça aussi, j'avais prévenu les gens qui embarquent dans les histoires de citoyens souverains. Vous allez vous mettre dans marde, puis c'est tout. Vous allez vous mettre dans marde, puis c'est tout. Ça marche pas de même, là. Pourquoi que Guis Langto chauffe son char, pas de permis, puis qu'il l'arrête pas? Selon vous, vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, je suis bien, bien méfiant. De ce que qui a été. C'est parce que c'est un informateur ou c'est un idiot utile ou il y a une opération. En tout cas. Fait que, bon, une femme travaille avec moi et elle a accepté le pic-pic pour sa fille et elle dit c'est normal, je protège ma fille. J'ai répondu à vous deux. Et vous deux, elle dit aussi, elle et son mari, ben, ouais, ben c'est sûr qu'ils vont vous dire que c'est normal. On dirait que les médecins ne savent rien. Les médecins, là, un médecin, prenez un gnochon, vous prenez un gnochon, vous lui donnez un doctorat, ça fait un médecin. Un gnochon, pareil. Si vous envoyez un gnochon étudier pendant 11 ans puis qu'il devient un gnochon spécialiste, c'est un gnochon pareil. Les gens ne font pas la différence entre la connaissance et l'intelligence, ou l'intelligence et la conscience, ou la connaissance et le savoir. C'est toutes des affaires complètement différentes. Il y a des gens extrêmement connaissants, c'est des idiots. C'est des idiots. Je veux dire, J'ai vu ça, moi, des médecins complètement stupides, complètement idiots. C'est même arrivé une ex-conjointe que moi, je l'avais fait le bon diagnostic, je le savais ce qu'elle avait, puis le médecin, il l'a fait tourner en rond, puis des idiots, tellement que j'ai dit, on va aller au privé, on va aller au privé. Puis là, ils ont trouvé le problème. Puis on est revenu après dans le système public avec les bonnes affaires, puis là, ils n'ont pas eu le choix de l'opérer. Mais c'était tous les médecins. Il y a une fois, j'avais une douleur épouvantable dans une molaire, puis je le savais que c'était ça, puis je savais que j'avais une infection dans la mâchoire. Puis il y a un médecin qui m'a astiné pendant 2 heures que c'était un nerf, puis il a voulu à tout prix me prescrire des anticonvulsifs super chers. Savez-vous pourquoi j'ai accepté de les prendre? Pour prouver que ça n'allait rien changer. Mais il reste qu'il a fallu que j'endure ça pareil, à cause de l'incompétence de ces gens-là, qui sont réellement des idiots. Des idiots, c'est plus au niveau de la médecine là, qu'on forme des médecins. C'est au niveau, je vous disais, le recteur de l'Université de Montréal, là, du monde, il faut qu'il serve un système. Puis le système, dans le fond, c'est quoi? C'est du corporatisme transnational. Donc, c'est des compagnies pharmaceutiques qui payent la formation des médecins jusqu'à un certain point. Il y a des conflits d'intérêts. C'est pas normal que l'amphithéâtre d'une université porte le nom d'une compagnie. Puis qu'il y a des subventions. Vous voyez là? Et donc, le but de ce médecin-là, c'était de me prescrire des anticonvulsifs. C'était pas de. Parce que lui, il était dans. C'est un nerf qui fait ça. Je dis, c'est sûr, c'est un nerf, mais pas cela que tu dis. Puis, ouais, mais là, blablabla, oui, moi, c'est sûr, parce que je suis pas médecin. Puis, on vit dans une époque que si vous n'êtes pas géologue, vous n'avez pas le droit de dire que ce qui est en dessous de vos pieds, c'est la Terre. On vit à une époque. Pas astronome, vous n'avez pas le droit de dire que la boule de feu dans les airs, c'est le soleil. Il y a un problème. J'ai rendu que Diane Lamar, qui est une pharmacienne, puis qui est un professeur en pharmaceutique, puis toute, elle donne des conseils de santé. Elle s'est rendue comme un médecin quand elle était à la télévision. Il y a un hostie de problème. Christian Dubé devrait être accusé, il devrait être accusé d'exercice illégal de la médecine. Ça, c'est mon opinion. C'est un comptable. C'est un comptable. Même quand dans un monde où même les médecins sont incompétents, mais moi, pas un comptable en plus. Parce que regarde l'autre, le rabat d'enveloppe, qui a la bouche comme un rabat d'enveloppe, Boyau, docteur Boyau. On le voit tout de suite que ça n'allume pas fort, il n'est pas très vif d'esprit. Je veux dire, on le voit qu'il sélectionne. Il sélectionne du monde qui ne feront pas trop de vagues. Le docteur Darruda est un petit peu trop intelligent, je pense. En cours de route, il est allumé, puis ouais, un petit peu trop sensible aussi, un petit peu trop nerveux. Je vais devoir cesser, là. Mais bon, je vais essayer de lire ce qui. Elle s'appelle Clara, son système nerveux dans le labyrinthe de l'oreille interne est gravement touché, elle perd l'équilibre, et bon, ben, c'est ça fait des labyrinthites, puis ça peut être dangereux, là. Imaginez, là. La meilleure amie de mon fils a fait 2 arrêts cardiaques caillots à l'estomac. Le médecin leur a confirmé que c'était ben, la mère de cet enfant a demandé à son fils de ne pas dire la cause. Pourquoi? Parce que là, ça va pas juste contre l'intérêt de vos enfants rendus là, ça va contre les intérêts de tout le monde. C'est pas assez une victime, faut que tout le monde aille contre l'intérêt de tout le monde. Accepter de jouer le jeu, c'est en être complice. Puis il y a des enfants un jour que peut-être qu'ils vont demander des comptes à leurs parents. Puis ils vont avoir raison. Ils vont avoir raison de le faire. C'est pour ça que, bon, ça devient bien difficile de venir me faire la leçon des fois, parce que moi, je vais vous remettre le nez dedans, dans le sens que, bon, à un moment donné, là, ils prétendent que leur numéro d'assurance sociale est plus vite. C'est pour leur ouvrir ah oui. Avoir l'esprit sain, c'est interdit, surtout aujourd'hui. Ben, c'est parce qu'ils ont changé la définition de ce qui est sain, ce qui ne l'est pas. Donc, avez-vous vu ça, là? Je ne sais plus trop, c'est où le trans-show? Trans-show, où il y a des espèces de travestis, là, transgenres, je sais pas trop quoi, là, ils font une espèce comme c'est comme des spectacles publics, là, pour les familles, puis tout. Puis là, il y en a un, là, c'est une photo qui a été prise, une vraie photo. Lui, le micro, là, c'est sa vierge. Il y a une astuce d'affaires bleues longue de même, horrible, là, qui a après son costume, puis c'est un micro dans le fond, puis là, on voit un petit enfant qui va parler dans le micro. Ça, c'est vraiment malsain, mais c'est comme je vous dis, ils ont changé la définition de ce qui est sain et de ce qui ne l'est pas. Donc, non, des affaires de même, ça devrait finir en émeute. Ça devrait faire une émeute. Non, du monde de même, c'est drôle. Hein? Comment ça se fait? C'est supposé être des festivités. Puis quand tu regardes ça, tu as juste envie d'aller sloguer tout le monde. Après, ça demande pourquoi qu'il arrive des affaires. Bon, là, moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence. Au contraire, ce que je demande aux gens malsains, c'est arrêtez de vous mettre en danger. C'est comme quand il y a eu là, les deux ans, là, que c'était vraiment dans le plus fort. Je disais, ils sont complètement inconscients, ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger, les politiciens. Puis après ça, ils disaient dans les informations, ben là, il y a de plus en plus de menaces, les gens sont de plus en plus agressifs, on va augmenter la sécurité. Non, non, c'est toi qui te mets en danger. Augmente ta lucidité toi-même, puis tu n'auras pas augmenté ta sécurité parce que le peuple va t'aimer. Mais si le peuple t'haït, cherche l'erreur. Cherche l'erreur, Christian Dubé, cherche l'erreur, François Legault. Cherche l'erreur, comment elle s'appelle, la grand-perche, Guilbeault. Hein? C'est pour ça, la grande perche à l'école, dans la classe, là, s'il y en a qui vont encore à l'école, qui m'écoutent, là, la grande perche là, qui s'assoit en avant, là, puis qui est tout le temps en train de licher le professeur, soyez très gentils avec elle. Soyez très gentils avec elle. Arrêtez de l'asticoter. Arrêtez de l'agacer. Parce que sinon, plus tard, elle pourrait s'en aller en politique. Puis vous n'aurez même pas le droit d'aller sur le pas de votre porte. Hein? Elle va se venger. Ils vont se transformer en Suzanne Thorne, il ça, la louve des SS. On va prendre la suggestion de l'oiseau et entrer dans des sectes de grands hérons. Ouais. J'étais content qu'ils se fondent une secte, comme ça, personne ne peut l'accuser d'être dans la mienne. C'est tellement désolant, pauvre petite. Ben oui. Puis plus ça va, bien. Oui, je passe aussi pour une mère plutôt. Moi, à un moment donné, il va falloir avoir la capacité de s'assumer. Puis le faire d'une façon stratégique. Parce que, bon, à un moment donné, ça va être le contraire. Ça pourrait revirer très rapidement. Dans le sens que c'est ceux qui passent pour indignes qui vont finalement être vus comme celles qui étaient lucides. Puis ceux qui se pensaient lucides vont finalement être vus comme complètement fêlés. Bon. En France, ils ont arrêté Alice de Home Nation. Elle est en prison pour conduite sans papier. Ah oui, puis nous autres, on a une, Guis Langto, elle chauffe pas de permis. Elle a conduit pas de permis. Ça a conduit encore, là, mais je sais qu'elle conduisait pas de permis. Elle l'arrête pas. C'est très louche. Très louche. Puis deux jours que... Hey, finalement, là, le portail là, du 11 à 11h11, ça a fait quoi finalement? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait? Moi, je veux savoir les résultats, les dièses là, à Guis Langto. C'est quoi les résultats? Qu'est-ce que ça a donné? Expliquez-moi ça. Moi, je veux savoir le concret de ça. Qu'est-ce que ça a fait? Expliquez-le. C'est ça qu'on va avoir le 24 février aussi? Hein? Des événements comme le portail du 11 à 11h11, que finalement, ça ne fait rien strict fuck all, à part faire rire de vous autres. Fait qu'on ne se privera pas de rire, c'est la seule utilité qu'on peut trouver à vos niaiseries. Mais il reste qu'à un moment donné, j'aimerais bien ça, que ça s'explique. Expliquez-moi ce qui est arrivé le 11 du 11 à 11h11. Hein? Ça a donné quoi, là? C'est comme, après le 24 février, il n'y a pas de « Ah, oh, ben peut-être qu'on va juste le savoir dans 30 ans. Fuck you, ça ne marchera pas avec moi. » Voyons, je t'en différais, je voyais mon image. Bon, en tout cas, blonde nucléaire, ah oui. En effet, un diplôme ne rend pas intelligent. Ben non, ça ne rend surtout pas conscient. Des idiots qui ont une bonne mémoire, pas trop d'esprit critique. Ben oui, des perroquets. On forme les étudiants à croire à un dogme, et voilà. Et voilà. Tellement que, bon, on est aussi bien de retourner dans le temps que les universités, c'était pour de la théologie, tant qu'à faire, tant qu'à être. Les médecins font de moins en moins de diagnostics, ils suivent plutôt des protocoles, et voilà. évoluer. C'est des protocoles d'intervention, des protocoles de gestion de cas. Mais là, des diagnostics, imaginez encore moins des pronostics. Les médecins, ils savent poser le diagnostic et prescrire les médicaments. Mais ils sont capables de soigner les gens, vraiment triste. Ben oui, mais même des fois, quand ils n'ont pas posé de diagnostic, ils ne savent même pas c'est quoi, ils prescrivent de quoi pareil. Le monde sort avec des ordonnances, puis ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils disent, oh, ben, possiblement, peut-être, donc, ah oui, oui, OK, super. Surtout dans ce qu'elle dit. Ah là, je ne sais plus. Comment ça a pu arriver, ce vaccin, contre un hot dog, quelle folie. Hey, moi, là, c'est là que j'ai pété ma couche, puis je l'ai traité de gros crises de violent. Parce que ça revient, c'est comme des pervers qui offrent des bonbons aux enfants. Bon, je l'ai vraiment senti de même, là. À un moment donné, là, c'est l'affaire, la pire affaire, j'ai dit qu'on du B, je lui traite mon gros crise de violent. Mais pour moi, si tu es obligé de sortir les nananes pour inciter à ce point-là, puis c'est de la manipulation à ce point-là, puis qu'il n'y a aucun argument, puis ben là, c'est comme séduire des naïfs, ça revient à comme, puis que ça va, ça revient, c'est la même affaire. C'est pareil. C'est moi, ça revient à ça. Ben de valeur, là, parce qu'il n'y en a pas de consentement juste éclairé, c'est des brevets qu'on n'a pas le droit de savoir à rien. Bon, mais manger de la merde, comme un oiseau moqueur, il disait. Hein? C'est comme j'ai mais juste un extrait de François Legault. J'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer tout de suite, l'oiseau moqueur. Il dit, toi, t'as rien à m'annoncer, mange de la merde. C'est vrai qu'il n'y a rien à nous annoncer. Ils n'ont aucune légitimité. N'importe qui a un peu de sens critique, ils n'ont aucune légitimité. C'est pas vrai, ça, qu'un comptable comme Christian Dubé va venir. Mais voyons, là. En plus, dès qu'il se lève les mains de la table, il shake de main. Hey! T'es à combien de verres de fort dans ta journée? T'aurais dû prendre ton petit drink du matin, parce que c'est pas normal de shaker de main. Puis après, venir nous donner des conseils de santé. J'en ai connu des alcooliques qui shakaient dès le matin de même. Puis bon. Quand on parle, par exemple, il est astralisé, ça veut dire quoi concrètement? Quelqu'un qui est dans l'astral? Non, c'est l'astral qui est dans lui, c'est pas pareil. Bon. L'astral, c'est quoi? L'astral, c'est de la pensée qui n'est pas consciente. C'est ça de l'astral. Comme on pourrait en parler longtemps, là, c'est très vaste, ça, c'est long. Mais de l'astral, c'est de la pensée qui n'est pas consciente. Puis la personne va s'identifier à cette pensée-là au niveau de sa personnalité, c'est-à-dire la personne qui n'est pas réelle. Hein? Quand vous souffrez psychologiquement d'une situation, ça, c'est votre esprit qui va essayer de vous envoyer de l'intelligence, mais les parties subjectives en vous réagissent comme ça. Parce que la souffrance, c'est de l'information qui n'est pas intégré. Non, ça va loin, là. PS, en guise d'effet indésirable, portez attention aux gens dont les pieds enflent dangereusement après un vol. Ah oui, ouais, j'ai cru voir des affaires. J'ai vu ça hier. Ah, cette photo horrible. Ah oui, la photo, ouais, ça fait un petit bout de temps, je l'ai vu. OMG, il y a des parents qui sont complètement déconnectés. Oui. Ben, même, je veux dire, juste trouver quelqu'un de connecté, c'est difficile. Dans le sens que, bon, imaginez d'un parent. Donc, voyons, j'étais où? J'ai de la misère. Ben non, ils ne veulent pas attendre. Ils veulent culpabiliser les gens. Bonjour tout le monde, j'encourage les... OK. J'encourage les femmes à faire du direct, si bien sûr, elles sentent que c'est le moment. Ben oui. Ils veulent culpabiliser, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, ils veulent culpabiliser les gens, mais ce sont eux les coupables. Oui, ben, c'est comme un jeu de transfert. Là, j'ai de la misère, en plus, j'ai pas de souris. J'ai de la misère à défiler comme il faut. Mes affaires, là, j'ai pris trop de retard. Nous sommes témoins, nous avons le devoir de dire les choses. Oui, mais il faut être stratégique, pareil. Avant de s'appeler le ministre de l'Éducation, ça s'appelle le ministre de l'Endoctrinement. Comme certains commencent à poser trop de questions, ils ont changé endoctrinement pour éducation. Même là, anciennement, là, je vais vous le dire, là, c'était le ministre de l'Instruction. publique. Pourquoi? Parce que l'éducation puis l'instruction, c'est pas pareil. L'instruction, c'est comme quand vous allez à l'école. Ça, c'est de l'instruction. L'éducation, ça, c'est à la maison. L'éducation, c'est la famille, c'est le milieu. Mais là, à cette heure, c'est plus le ministère de l'instruction, c'est le ministère de l'éducation. Puis de plus en plus, c'est l'État qui va élever vos enfants. Mais ils vont tout le temps changer le langage avant d'imposer les structures. C'est la mise en condition. Donc, c'est par le langage, ça commence toujours par le langage. Pour ça, je vous dis juste par le langage, je peux savoir des fois 10 ans d'avance ce qu'ils vont faire. 10 ans d'avance ce qu'ils vont faire. Puis quand ils ont changé le ministère de l'Instruction pour ministère de l'Éducation, ça aurait dû allumer des lumières au monde. Ça aurait dû allumer des lumières au monde, mais les gens sont déjà, c'est là pour les atteindre, ces affaires-là. Mais il reste que l'éducation, c'est pas l'affaire de l'État. C'est pas l'affaire de l'État, puis ça ne faut jamais que ça le devienne d'une façon totale. Parce que la minute que c'est l'État qui élève vos enfants, ça va être des esclaves. Puis pourtant, c'est ce que les gens veulent, que l'État élève leurs enfants. Mais ça, c'est comme dans le livre de Samuel. Le monde, ils veulent un roi. Ils veulent un roi. Puis le prophète Samuel va y voir, leur dit, oui, mais le roi, il va envoyer vos fils à la guerre, il va faire de vos filles des parfumeuses, des prostituées de cour. Puis même une fois qu'il leur dit la vérité, c'est-à-dire le réel, la réalité, bien, les gens veulent un roi. Les gens veulent un roi. Puis ils finissent qu'ils ont un roi. Puis là, après, ils ne sont pas contents, puis ils chialent contre le roi. Puis ils vont jusqu'à, prenez ce qui est arrivé la Révolution française, ils sont allés jusqu'à tuer le roi. Mais pour, là, c'était pourtant pas le roi le problème. Ben peut-être le fait que, bon, mais il avait été manipulé pas mal. Puis bon, ça commence bien avant. Vous savez, à l'époque de Louis XIV, quand il y a eu la guerre de succession d'Espagne, il y en a qui ont juré détruire la monarchie française. Puis ils ont réussi, ça a pris 2 générations, mais ils ont réussi. Mais il reste que, bon, les gens, ils veulent des maîtres, bon. C'est ça qu'il y a. Un pédiatre, je m'excuse, là, j'ai pas tout, j'en ai manqué, là. Un pédiatre allant à sa retraite il y a déjà 12 ans m'a expliqué que le seul mandat à respecter auprès de leur ordre est de soulager leurs patients. Comment on soulage? Moi. C'est parce que là, je comprends même pas pourquoi ils font encore le serment d'Hippocrate. Parce que, en ce moment, il y a plein d'actes médicaux qui vont contre le serment d'Hippocrate. Ça marche pas, là. Au moins qu'ils ne le prononcent plus, si c'est de l'hypocrisie. Oui, là, ça appartient à la famille. Conditions et programmation des enfants. Oui, c'est le conditionnement. Les enfants sont déjà esclaves de leur téléphone. Ben, pas juste les enfants, les personnes âgées. J'en vois plein, les vieilles dames là, qui sont toujours là. Puis je comprends pas. J'en ai même pas de patente de même. Ben, c'est comme ça déjà, Berthold. L'État a pris en charge les enfants. Ils obligent les parents sous menace. Ben, c'est de la ressource humaine. Ils considèrent vos enfants comme si c'était du riz ou du blé. C'est carrément ça, là. Puis, quand un enfant part dans le système qui s'en va dans la DPJ, puis tout, ça fait vivre plein de monde. Ça fait vivre plein de monde. Ça fait vivre des travailleurs sociaux, des avocats, des... Ils génèrent de l'argent avec vous en faisant des problèmes à vos enfants pour faire vivre une caste de gens qui ont étudié en sciences sociales. Puis ça, ça a commencé avec le PQ. Puis c'est du monde comme Pauline Marois. Pauline Marois, elle n'est pas venue au monde millionnaire, c'est une travailleuse sociale. C'est la gauche caviar, c'est ça. Puis c'est Pauline Marois qui a fait les garderies, qu'on peut envoyer des bébés en garderie, des petits bébés, là. Des petits bébés. Puis c'est elle, quand elle était ministre de la Santé, que Lucien Bouchard, l'affaire d'envoyer un paquet d'infirmières à la retraite, on s'en est jamais remis. Pauline Marois, c'est une crise de grosse truie, tant qu'à moi. Je m'excuse de dire ça, mais c'est ce que je pense réellement. C'est du monde, il n'y a aucune conséquence à rien de ce qu'ils font. Puis le monde, ils n'ont aucune mémoire. Mais moi, cette bonne femme-là, je suis même pas capable. Juste y penser, je viens, j'ai enragé. Je viens enragé noir. Je l'haïs tellement, cette femme-là. C'est même pas un être humain, je pense. Je pense que c'est une bibitte qui a pris forme humaine. Ça se peut pas faire autant de mal, causer autant de mal à son peuple. Puis, elle, là, dès que quelqu'un lui posait une question, un journaliste ou même un citoyen, là, était incapable de répondre d'une façon spontanée. C'est des gens qui n'ont aucune spontanéité. Fait que là, pour se donner le temps d'y réfléchir, là, elle faisait petit rire maudit qu'à mes cœurs, elle. Puis Lucien Bouchard aussi. Puis toute cette clique-là, toute la gang, toutes les parties confondues sont toutes horribles. C'est tout du monde horrible. Donc, bon, puis le monde, ils n'ont aucune mémoire. Puis après ça, ils reçoivent ça, puis là. On doit tous les poursuivre, ces dirigeants. Ben, ça ne marchera pas. Il va falloir un procès comme les enfants du Plessis. Je pense ça, même ça, ça, ils n'ont jamais eu justice dans le fond. Puis, il n'a même pas sorti un dixième. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Truite, qui ça? Oh non, j'ai dit une truie. Une truie, pas une truite. Ben, c'est une... Non, la truite, c'est le docteur Boileau. Pour le système, les gestes sont des biens et sont traités comme tels. Ah oui, puisque l'on consent par ignorance du fonctionnement des lois qui nous régissent. C'est pour ça que c'est intéressant, le légal. C'était au moins savoir la base. Doc Mayo disait comme toi, ouais, de temps en temps, c'est comme une horloge cassée, de temps en temps, elle donne la bonne heure. À propos de la marouette, ben oui. Des bibites qui ont pris forme humaine. Ben oui. Ah oui, puis Pauline Marois, laisse-moi, c'est une seule que je suis allergique. Moi aussi, je la hais, cette femme, elle est responsable de beaucoup de misère familiale. Oui, ça n'a aucun sens que quelqu'un puisse avoir fait autant de mal. Il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune. Puis le monde, même le monde, ne le voit pas. Mais, hey, en tout cas, Marois s'est fait demander par un journaliste sa préférence entre le biscuit goglu et le whippet. Elle n'a jamais pu répondre. C'est pas la même affaire. Mais ça me semble la même chose. En tout cas, j'avais croisé Lucien Bouchard à mon travail. Il avait son bodyguard et il nous a salué de la tête comme s'il était un prince ou quelque chose du genre. Ben, oh, tu sais, il est là, il passe, puis... T'sais, Lucien Bouchard, c'est-tu. À un moment donné, j'étais tellement en crise après. Lui, il mériterait quasiment qu'on lui coupe la patte qui reste et qu'on lui fasse manger. Pourtant, c'est pas mon genre de dire des affaires de même. C'est même pas mon genre de penser des affaires de même. Mais du monde qui ont autant fait des traites à ce niveau-là, là, jusqu'à ce niveau-là. Je vais tout le temps me rappeler, moi, toutes les infirmières qui ont envoyé à la retraite, puis c'était son plan à lui, puis toute son affaire d'austérité. Puis le seul premier ministre du Parti québécois pour qui j'ai un peu de respect, puis il est décédé, c'est Bernard Landry. Je pense que lui, il a vraiment fait son possible. C'est Bernard Landry. Le seul, j'ai rien à dire. Puis il va avoir dit la vérité sur pas mal d'affaires. Notamment, ça va être lui qui va... Il l'avait dit, Bernard Landry, avant de mourir, dit « François Legault, c'est un arriviste sans scrupules. » C'est un arriviste sans scrupules. Je lis le livre Henri-Paul Rousseau, le siphonneur de la caisse de dépôt, et c'est le festival de l'ignominie, Marois, Charest, Bouchard, Desmarais. Ben oui, c'est comme l'autre fois, je lisais un article sur comment ils ont détruit les caisses de crédit mutuel paysan en France. Puis savez-vous, immédiatement, j'ai fait le parallèle, j'ai dit c'est comme Desjardins. Alphonse Desjardins avait créé les caisses populaires Desjardins pour que les cultivateurs puissent se financer, puis payer leurs instruments aratoires rapidement, puis rester rentables. Puis finalement, ce qu'ils ont fait en France, la destruction du crédit mutuel paysan, puis ces affaires-là, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Desjardins. Ils ont complètement détruit Desjardins. Puis aujourd'hui, c'est une banque, tant qu'à moi, Desjardins. C'est une banque. Ça n'a plus rien à voir avec la mission que ça avait. Puis ils l'ont complètement détruit. Puis en France, les crédits mutuels paysans, c'est qui les gens en place qui ont tout fait pour détruire ça, puis foutre ça par terre? Ben, c'est du monde dans la franc-maçonnerie. Fait que je me suis dit, ben, au Québec, ça doit être pareil. Je veux dire, les caisses des jardins, ça doit être des francs-maçonneux qui ont décidé d'infiltrer ça puis de créer ça à terre. Puis qu'aujourd'hui, ben, c'est une banque. C'est des banques, c'est des usuriers. Hein? En tout cas, merci de ta présence. Ah, ben, de rien, mais là, je vais devoir quitter. C'est qui, Lucien? Lucien, c'est Lucien Bouchard, c'est. Quelqu'un qui a très haute estime de lui-même. Même, ça dépasse l'estime normale que, bon. Je suis d'accord avec toi. Rongé par l'ambition, bon. Puis même, là, il ne faut pas être très ambitieux. Dans le sens que c'est comme si c'était dit, tant qu'à être un pourri, ben je vais être le roi. Moi, je ne comprends pas ce genre d'ambition-là. J'aimerais mieux être dans la rue que... Bon, en tout cas. Bonjour. Bon, ben, merci, matrice. Landry avait un chalet avec mon oncle et David Lévin. Ah oui. Ben, moi, je l'aimais bien, Landry. C'est le seul, j'ai rien à dire. Hein. Il a ramené le déficit zéro. Il a fait son possible. J'ai rien à dire. L'abeille de l'heure. Bon, sa femme que j'aime pas trop, là. Les francs-maçons sont partout. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Il y en a même qui sont là-dedans et ils ne savent pas. Ils sont dans des structures connexes de club-école, si on peut dire, puis ils ne savent pas que c'est lié. En tout cas, il va falloir que j'y aille, arrêter de m'écrire trop d'affaires. Moi, j'ai rencontré Parizeau, il a plus de 30 ans. Il lui a dit qu'on allait aux mêmes endroits pisser. J'étais en colère qu'on empêche les enfants franco d'aller à l'école anglaise. Ah. Quand tu as vécu avec un pervers narcissique, tu trouves cette force subtile et monstrueuse dans tout ce qui se passe et tous les personnages qui en sont responsables. Ouais, ben tout ce qui est tous les chefs d'entreprise, les gens politiques, certains types de policiers, puis c'est des profils psychologiques, puis c'est pas long, hein? C'est pas long, hein? En tout cas. Exact, Rousseau a fait disparaître 40 milliards et est parti avec sa prime. Ah ouais, tu es power. Et manger une merde. Qui ça, moi? OK. Les adultes sont aussi esclaves de leur téléphone, mais je trouve ça bien pire pour les jeunes qui sont éduqués de cette façon. Moi, leur esprit est aspiré. Comment il est possible de renverser la vapeur? Je pense qu'il va y avoir des exceptions, mais là, ça va être un processus naturel. C'est un ancien premier ministre. Mais là, je pense que c'est... j'aime mieux Legault. J'aime mieux Legault parce que Legault, ça paraît que c'est un épée. Il s'exprime mal, il n'a pas de charisme. On dirait le vice-graton. Tandis que c'est plus dur, Lucien Bouchard, parce que Lucien Bouchard, le monde l'aimait. Puis il y a encore du monde qui l'aime, ils sont sous le charme, ils ne voient pas. Là. Tandis que Legault, c'est bien plus facile réveiller quelqu'un par rapport à Legault, par rapport à quelqu'un de charismatique comme Lucien Bouchard. Parce que Lucien Bouchard, il a une certaine classe. Puis bon, il y a du monde, t'as beau leur mettre les faits d'en face, ils vont tout le temps le voir comme un monsieur admirable. Tandis que François, j'aime bien mieux François Legault. François Legault, c'est bien plus facile. C'est bien plus facile à... Bon. Hein? Regarde le nouveau logo de Desjardins. Ils ont enlevé l'abeille. Reste de rayon de miel. Ouais, il reste rien qu'un trou. La larve est devenue une abeille. Puis l'abeille est partie. Puis il reste rien que le trou. J'aime mieux Legault parce que ça paraît que c'est un épais. Ben oui, c'est bien plus facile. Lucien Bouchard, il y a du monde que je connais, faudrait que je travaille fort pour leur montrer c'est qui cet homme-là. J'aurais bien de la difficulté parce qu'il y a un charme qui opère. Mais Legault, c'est bien plus facile. C'est bien plus facile. C'est moins difficile. C'est moins difficile. C'est lui ça qui dit ça. Des difficiles. C'est bien moins difficile de montrer à quel point c'est un abruti. Hein, ça en est un autre état. Il y avait l'instinct de prédation puis les qualités de prédation pour ce qui est arrivé avec un transat puis comment il a trahi ses partenaires puis tout, puis pouf, 10 millions d'un guitabin parti dans la vie, hein, après avoir emprunté 50 000 piastres dans le dos de sa famille. Il y a un profil, là. Il y a un profil, il va falloir que je parte, moi, là. Legault, comme premier ministre, je serais gêné de parler en anglais comme un mal de ventre. Il parle en français comme un mal de cœur. Jetez un coup d'œil à Sean Ashross et vous me dites ce que vous pensez de ces deux vidéos. Il faudrait que j'aille voir. Il y a un paquet d'affaires, je voulais aller voir, puis j'ai pas eu le temps. As-tu pensé si Lucien avait vraiment été pour le peuple? Ouais, mais s'il avait vraiment. Ben, moi, c'est pas ce que j'ai constaté, là. Au contraire. Au contraire. Puis, moi, juste la marde qu'il a faite, comment ils ont crissé l'éducation à terre. Comment est-ce que ce bonhomme-là sacré l'éducation à terre, la santé, l'économie. Un après l'autre, là. Tout n'importe quoi. Il y a de la difficulté à parler, M. Legault. Oui. Legault était prévisible depuis 2009. Un mouton noir, il a fait des enfants, son cheval de Troie. Oh, oui, c'est vrai, ça. Puis dans le fond, on sait que ça n'a pas... c'est nos enfants! Ta gueule! Ta gueule! Va te cacher! Va te cacher! Bon, va te... Lui, il est pire qu'un enfant. Pour cela qu'il donne un bec sur la bouche à sa sœur, pauvre Legault. Ouais, mais ça dépend des familles. Même Éric Duhem, comme lui, prenait sa douche avec ses parents. François Legault, lui, il donne des becs à sa sœur. Ben oui, mais c'est ça. C'est nos enfants. Non, ta gueule, va te cacher. Punition. On ne veut plus jamais te revoir. Point. Ça serait de la démocratie. Si le peuple parlait d'une seule voix, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une vue. Là. Bon. Ben oui. Mais. Ah oui, tu penses que Lucien était vraiment été pour le peuple. Mais Lucien Bouchard, c'est là on peut parler là, vraiment là, l'aristocratie traîtresse au Québec. Là. Puis c'est un mec les démarrer, ça. Puis, c'est quoi donc? Prenez Jean Chrétien. C'est... En tout cas, ce n'est pas qu'un profil psychologique qui a derrière une force qui sort de ce genre de profil. Ouais. Ils sont sélectionnés, hein? Il a été choisi. Legault, c'est un petit exécutant. Puis même à un moment donné, j'osais que quelqu'un dit ça serait le fun de maintenant ramasser un puis y faire avouer tout le plan. Puis j'ai dit, tu perdrais ton temps parce que ces petits exécutants-là, ils n'ont pas le plan au complet. Ils n'ont pas le plan au complet. Ils ont juste ce qu'ils ont besoin pour exécuter ce qu'ils ont à faire. Mais ils n'ont pas la stratégie globale, ils ne l'ont pas. C'est pour ça que, même si vous, comme il y en a un, ils spéculaient, ils disaient, attends, ramasser un, puis le faire parler. Là. Il faire dire tout ce qu'il sait. Je dis, ben, tu n'aurais peut-être pas autant que tu penses. Puis, tu aurais beaucoup des « je le sais pas ». « Je le sais pas, ça ». Puis, ça serait vrai. Parce que, c'est non seulement ces arrivistes-là extrêmement superficiels, il faut les sélectionner, puis c'est par le profil psychologique, mais tu leur donnes jamais le plan au complet. Pourquoi? Au cause qu'ils craquent, comme Arruda, il a craqué de m'amener. Puis bon, ça arrêtait bien le restant qu'il sache tout, lui. Puis qu'il craque, admettons qu'il craque pour vrai, puis il revire sa vis, ça peut être dangereux. J'ai été vivement entendu parler de Sandra Vimont. Qu'est-ce qui accroche avec elle? Ben, je ne suis pas en train de parler d'elle, là. Je parle pas d'elle. Là. Quoi que c'est qui accroche? Il n'y a rien qui accroche. Ce n'est pas de mes affaires, puis je m'en fous d'elle. Écœurez-moi plus avec elle. Mais qu'à ça, j'ai parlé de... C'est vous, qu'est-ce qui accroche avec elle? Ben non, mais il y a des affaires qu'elle sort que, bon, moi je trouve que ça marche pas, c'est tout. Bon, c'est son affaire. Hein? Il y en a qui trippent sur Electrolux, puis il y en a qui trippent sur, c'est quoi l'autre marque, là? C'est Kirby. Bon, moi c'est Electrolux. Au moins, ça, pour le prix, ça marche bien. Puis bon, même quand c'est gratis, tant que ça marche. Bertel, faites-nous une vidéo sur les messages subliminaux, si possible. Moi, ben, c'est pas... Il y a plein d'affaires, c'est déjà fait, ça. Je peux dire, il y en a plein. Tu penses qu'ils ne savent pas tous le plan? Ben non, ils n'ont pas la capacité, de toute façon. Ben non, ils sont pas au courant de tout. Ils se font dire des fois d'une semaine à l'autre, ils savent pas ce qu'ils vont se faire dire de dire. C'est pour ça qu'Arruda, au début, il dit « Ah, ben le masque, ça sert à rien. » Puis une semaine après, il est obligé de venir dire « Ben là, on l'oblige. » C'est parce qu'ils savent pas d'avance les directives qu'ils vont recevoir. Ils sont pas dans le secret des dieux à ce point-là. Là. Hein? Puis ça passe par des... Elle dit qu'elle fait partie de la régence planétaire. Caliste de Christ. Oh ouais? Ben de bord, elle a des comptes à rendre. Parce que ça ne va pas bien. Oh ouais, elle fait partie de la régence planétaire. Sacrement, Christ. Là. Ok, là. Parle-moi pas trop d'elle. Mon femme par me choquer, si mon femme par avoir. C'est malade tout ça, mais bon, ça a toujours été. C'est ça, vous voulez, dans le fond. Ça a toujours été ainsi depuis le début des temps. Les pouvoirs et leurs esclaves, ils sont choisis de l'enfance. Ouais. Ben oui. Puis il y a du conditionnement au niveau du système nerveux. Moi, je me souviens d'un de mes amis, son père, c'était un juge, puis il embrassait ses fils à la bouche, puis je trouvais ça bizarre. Puis. En tout cas, c'est une drôle de famille. Ben, si le plein est accessible pour nous, pour eux aussi, ils peuvent le savoir. Ben, moi, je pense que je suis au courant des détails. Je ne suis pas dans le secret des dieux à ce point-là. Même des fois, juste par intuition, je pense que je suis plus au courant de certains détails que le monde qui sont des exécutants, des fois. Mais bon, Sandra, peut-être sa mission est de sauver le monde. De qui? Commencer par se sauver soi-même, bon, on verra après. Effectivement, ils ne savent pas d'avance. Oh, oui, ça paraît. Hein? Je suis assez néophyte en supramental, je ne devrais pas être induite en erreur. Oui, c'est parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir... C'est parce que le supramental, tu ne pouvais pas être... on ne peut pas voir ça comme néophyte ou initié, c'est pas de même, ça marche. Parce que c'est un phénomène psychique, c'est pas une doctrine. C'est un ensemble de phénomènes et de processus. Mais il y en a qui en font des doctrines parce qu'après, tu peux vendre des formations, tu peux, bon. Puis bon, c'est nouveau drôle de devoir te pomper. Moi, bon, je trouve ça drôle. Sandra travaille pour la grille inversée des archontes. Je l'ai vu marcher sur ce genre de terrain. Ah ouais. Oui, ben il y en a qui vont se compliquer la vie. Moi, je considère que c'est se compliquer la vie, puis je voudrais pas être à sa place, parce que... Oui, après, c'est se donner un rôle complexe, là, dans le sens qu'après, il faut rester cohérent. Puis là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Quand c'est simple, puis clair, puis bon, c'est pas dur, là. Mais quand on se complique la vie avec toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'affaires dans même, puis que, bon, on sort toutes sortes d'affaires, genre, tous les démons de l'univers vous attaquent, ou vous faites partie de la régence planétaire, là, ça commence à être complexe pour le futur. Ça commence à être complexe pour le futur, parce que va falloir rester cohérent. Bon, il y a quelqu'un qui m'écrit, là, « Sandra, sa vibration, je ne suis pas capable. » Ben, moi non plus. Mais des fois, je vais l'écouter pareil. Être masochiste un petit peu. Mais il y a des affaires que je surveille. Que je surveille parce que ça me crée une inquiétude pour le public. Comme Glenn, c'est pour ça que je porte à écouter pour son messianisme extraterrestre à mes yeux. C'est dangereux. Que je porte à l'écouter. Je surveille. Je surveille ce qui se passe, ces forces-là. Puis, chez Sandra, c'est bien quand elle dit qu'elle rigole pas toute seule dans la voiture comme l'autre. Moi non plus. Ben oui, c'est drôle parce que je peux rire avec toi de pas trop se prendre au sérieux. Ben, faut pas. Oui, c'est inquiétant, ouais. C'est Patrick, ok, c'est Patrick. Ben, c'est Patrick, à ce que je sache, lui, il considère que l'homme nouveau, il y en a un, puis c'est lui. Moi, j'ai même pas la prétention d'avoir un vrai début de fusion, là, dans le fond. Fait que quand je vois des affaires dans la main, je vois, ok, super. Voyons, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'écrire, elle n'a pas vu, je suis en live. Il va falloir que je laisse. Là. Tu as une capacité hallucinante d'exposer l'absurde, le faux, là, que l'inversion. Ben, je fais ce que je peux. Justement, je pense à Marc de la Salle quand vous parlez de Sandro. Moi, il y a des aspects tristes là-dedans. Que moi, je trouve moi. C'est Patrick qui l'a arnaqué, quelqu'un que je connais. 800 euros! C'est tout pareil, finalement. Je vais finir par 800 euros. Non, oui. C'est incroyable. Oh ben lui, là. Moi, je me suis déjà fait ramasser 125$ par quelqu'un dans le supramental. Puis c'est par après, j'ai ben, même pas attendu, je me rendais compte que ça valait pas ça. Puis ça m'a dompté, dans le sens qu'aujourd'hui, je donnerai jamais une scène. Puis ça m'a permis de voir que cet éveillé-là, il n'est pas plus éveillé qu'un autre. Là, je parle pas de ces Patrick, là, je parle d'un autre. Oui, OK, du coup, effectivement, chacun doit suivre son ressenti. Lui, il était venu me voir sur ma chaîne, mon autre chaîne que j'avais avant, c'est Patrick, puis il m'astinait à dire « Le double, c'est pas une entitisation, c'est la lumière! » Donc, j'ai dit « Ben, regarde, Bernard, il l'écrit dans Genèse du réel, que c'est une entitisation. » Puis quand je l'avais lu ça, au niveau de la vibration, ça m'a paru juste, puis réel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que là, ça a fini, là, je l'ai plus jamais revu. Mais à un moment donné, le Christ, ça va faire. Son livre est à 1000 euros. Le livre à qui? C'est Patrick? Si, Paul. Moi, Marc de la Salle est décédé à cause d'un règlement de compte dans l'invisible au niveau du surmental entre Mme Vimont et lui. Ouais, mais là, des spéculations de main, ça peut nous amener vers des spéculations. Parce qu'à ce niveau-là, il y avait une programmation pareille. Donc, faut vraiment croire personne, sans compter Michel. Moi, je ne sais pas de qui vous parlez, là, Michel T. Mais il faut croire personne, en effet. Jamais. J'apprécie t'offre en parler. Ben, ouais, ben, j'essaie d'être spontané. Puis des fois, ben, c'est surtout le fait que je ne réfléchis pas. Hein. Si, imaginez si je réfléchissais aux conséquences. Je ne parlerais plus. Ce serait fini. Donc, bon, sans compter ou au content. Moi, bon, ben moi, je vais y aller. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'écrire. Il va voir, j'explique ce qui se passe. Donc, bon, ben bonne journée à tous. Au revoir.